De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Nous amorçons aujourd'hui une chronique mensuelle sur les scientifiques méconnus d'hier à aujourd'hui. Des savants qui ont laissé leur marque dans leur domaine respectif, c'est dans l'anonymat, du moins pour le grand public. Alors cette semaine, Frédéric Bouchard va nous parler d'Alfred Wegener qui a formulé, il y a plus d'un siècle, une hypothèse qui a révolutionné le monde des sciences de la Terre, c'est-à-dire la dérive des continents. Cette idée a été violemment rejetée à l'époque et n'a refait surface que plusieurs décennies plus tard, revampée par les progrès technologiques de l'après-guerre. Alors Frédéric Bouchard va nous parler de ce scientifique méconnu. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors Frédéric, qui était Alfred Wegener? Alfred Lothar Wegener. C'est un beau nom. C'est un beau nom quand même. Est né à Berlin en 1880. C'est le dernier d'une famille de 5 enfants dont le père est pasteur protestant. Mm-hmm. Donc la famille germanique. Oui. Il fait des études universitaires en astronomie. Il obtient d'ailleurs son doctorat en astronomie à l'âge de 25 ans. Mais il va plutôt se passionner pour une nouvelle discipline, la météorologie. Le mouvement des masses d'air. Tout à fait. Et en 1906, il bat d'ailleurs le record du monde d'endurance en ballon dirigeable, plus de 52 heures, avec son frère Kurt Wegener, avec qui il va collaborer de toute façon toute sa carrière. Il sert aussi comme officier dans l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale, et c'est justement en revenant de la guerre qu'il va publier en 1915 la première version de son hypothèse de la dérive des continents. C'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, l'hypothèse de la dérive des continents, dont nous allons, de toute façon, reparler à l'instant. Mais mentionnons finalement que, durant sa carrière, il va organiser et diriger plusieurs expéditions scientifiques au Groenland, dont celle de 1930, la troisième, au cours de laquelle, malheureusement, il va perdre la vie à l'âge de 50 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de la dérive des continents et nous dire en quoi il était si révolutionnaire à l'époque? Bien, c'est une idée fascinante parce que c'est d'abord une idée très simple. Hein? Mm-hmm. Tout le monde sort sa carte du monde à la maison, n'est-ce pas? Fait. Donc, la dérive des continents propose que les grandes masses continentales qu'on connaît aujourd'hui, les Amériques, le Groenland, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Antarctique, tout ça, étaient autrefois réunis au sein d'un même supercontinent, que Wegener va appeler la Pangée, donc du grec Pan Gaia, toutes les terres ou toute la terre. Et c'est lui qui l'a nommé Pangée. C'est lui qui le nomme de cette façon. D'accord. Donc, ces blocs-là qu'on aurait remis ensemble un peu à la manière d'un casse-tête, ce super continent-là, Pangaea, aurait commencé à se fragmenter en plusieurs blocs il y a environ 150 à 200 millions d'années, lors de l'ouverture de ce qui allait devenir l'océan Atlantique. Et ces blocs-là se sont mis ensuite lentement, se sont éloignés lentement les uns des autres, jusqu'au résultat observable aujourd'hui sur une carte du monde. Donc l'éloignement se poursuit au rythme de quelques centimètres par année. Pour donner une idée, c'est la vitesse à laquelle poussent nos ongles. Donc pas assez rapidement pour que nous-mêmes on s'en rende compte, évidemment, mais à l'échelle de l'histoire de la Terre, à l'échelle géologique, assez rapidement pour éloigner les continents de plusieurs milliers de kilomètres. Et sur quels indices ou preuves se basait Wegener pour étayer ses idées, pour élaborer sa théorie? Ben lui, il avait observé beaucoup, malgré qu'il n'était pas géologue, il avait observé beaucoup de travaux géologiques. Et il basait son hypothèse sur quatre principaux arguments. Donc, premièrement, celle qui est la plus apparente, les côtes remarquablement parallèles de chaque côté de l'Atlantique. Lorsqu'on regarde sur une carte, ça a l'air d'un grand S, n'est-ce pas? Surtout l'Amérique du Sud et l'Afrique qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Comme si la côte brésilienne s'imbriquait parfaitement dans le golfe de Guinée. Deuxième argument de Wegener... La correspondance des grandes structures géologiques, c'est-à-dire les vieux boucliers continentaux, les chaînes de montagnes. Donc, la correspondance des structures géologiques sur des continents séparés aujourd'hui par des milliers de kilomètres. Par exemple, si on prend en Amérique du Nord les Appalaches, en Irlande, Écosse, les Calédonides, les Mauritanides au Maroc et en Algérie, ainsi que les Alpes norvégiennes, c'est en fait la même chaîne de montagnes, des roches du même âge, de la même composition qui se sont formées en même temps et qui ont été par la suite séparées par cette dérive des continents. C'est donc la continuité, finalement. C'est la continuité de part et d'autre de l'Atlantique. C'est ça. Troisième argumentaire, de nature, qu'on pourrait dire, paléontologique, Wegener avait remarqué la répartition de certains fossiles de plantes et d'animaux terrestres de chaque côté de l'Atlantique. Donc, ces organismes-là n'ont pas pu, évidemment, traverser l'océan à cette époque-là. Ils ont dû, donc, selon Wegener, vivre sur un même continent réuni autrefois dans la Pangée. Et quatrième argumentaire, les traces d'anciennes glaciations datant d'il y a environ 250 millions d'années, dans des régions aujourd'hui en zone tropicale. Évidemment, on ne pourrait pas avoir de glaciation aujourd'hui en zone tropicale, par exemple, comme en Australie, en Inde ou en Afrique du Sud. Or, on avait trouvé des traces de glaciation et même des dépôts glaciaires dans ces régions-là. Solution pour Wegener, c'est tout simple. Ces régions étaient réunies autour de l'Antarctique, c'est-à-dire près du pôle sud à cette époque, puis ces régions-là ont migré vers l'équateur par la suite. Comment la communauté scientifique a-t-elle accueilli cette hypothèse à l'époque? J'imagine qu'elle a dû bouleverser bien des croyances. Oui, ben en fait, on prend ce genre d'idée-là un peu pour acquis aujourd'hui. On se dit, ben oui, c'est normal, dérive des continents, tectonique des plaques, etc. Mais à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a fait tout un tollé. En fait, ça a été rejeté du revers de la main. Il y a 100 ans, rejeté du revers de la main par la grande majorité des scientifiques, surtout évidemment les géologues. D'abord, faut le dire, Wegener n'était même pas géologue lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure, il était astronome, pardon, beau lapsus, astronome et météorologue. Alors, les géologues se disaient, comment un étranger, un astronome météorologue, bref, un touriste... De quoi il se mêle, là? De quoi il se mêle? Comment il pouvait venir faire la leçon aux spécialistes des sciences de la Terre? Mm-hmm. Pas? Il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, on considérait les continents et les océans comme immobiles, qui avaient évolué dans le temps seulement par grands événements catastrophiques. Mm-hmm. On évoquait à l'époque le déluge, les tremblements de terre. Donc, les événements géologiques, à l'époque, on considérait que c'était des événements violents, très rapides. Mm-hmm. Alors, l'idée que les continents puissent se déplacer lentement, régulièrement, tout doucement, ça défiait la logique de l'époque, finalement. Et puis, enfin, et surtout, Wegener proposait un phénomène tout à fait nouveau, c'est-à-dire le déplacement des continents, mais n'expliquait pas le mécanisme, le moteur ou les forces à l'origine du phénomène. Mm-hmm. Qu'est-ce qui pouvait bien faire s'éloigner l'Afrique des Amériques? Sûrement des forces extrêmes, considérables, même à l'échelle géologique. Malheureusement, Wegener n'avait pas la réponse à cette question-là. On devra attendre d'ailleurs presque un demi-siècle pour le découvrir. Qu'est-ce qui a fait de l'idée de Wegener? Qu'est-ce qui a fait que l'idée de Wegener n'a pas été acceptée? En fait, qu'est-ce qui fait qu'elle a été acceptée seulement qu'après la Deuxième Guerre mondiale? Bien, on pourrait dire deux éléments. Premièrement, durant la Deuxième Guerre mondiale, les sous-marins parcourent les fonds océaniques à la grandeur du globe. C'était une nouveauté, là. Bien, c'était les progrès technologiques de l'époque qui le permettaient, OK, pour la première fois. C'est la guerre, et oui, évidemment, mais certains un peu plus curieux en profitent aussi pour faire des observations scientifiques. Ben pourquoi oui. pas? Faut patrouiller, donc pourquoi pas observer en même temps ce qu'on voit. Et on va se rendre compte, avec la technologie nouvelle du sonar, donc la cartographie des fonds marins, que ces fonds océaniques sont parcourus d'une chaîne de montagnes sous-marines allongées, au centre desquels du magma remonte des profondeurs de la Terre pour créer de la nouvelle croûte terrestre. Ce sont ce qu'on appelle les dorsales océaniques. C'est un système de chaînes de montagnes qui parcourt toute la Terre à la grandeur du globe, un peu à la manière des coutures sur une balle de baseball, je pourrais dire. Sauf qu'elles sont immergées, c'est ça? Contrairement aux rocheuses, par exemple, qui sont... C'est une chaîne de montagnes, mais sous l'eau. Okay. En fait, un bon exemple de ça se trouve en plein milieu de l'Atlantique, la dorsale médio-atlantique, et l'exception qu'on pourrait dire à cette chaîne de montagnes-là submergée, c'est l'Islande, qui est en fait la toute petite partie émergée de la dorsale-là. Ouais. Ah, c'est incroyable. De cette chaîne sous-marine de plusieurs milliers de kilomètres de long. Donc ça, c'est le premier élément, la cartographie des fonds marins. Deuxième élément aussi, un peu après la guerre, on va analyser les roches et les sédiments de chaque côté de ces dorsales-là, et on va constater que plus on s'éloigne des dorsales, plus les couches sont vieilles. On vient de mettre au point les techniques de datation absolue des roches. On pourra en reparler une autre chronique, la datation, les éléments radioactifs permettent de dater les roches. Et c'est à ce moment-là qu'on date les roches, sont de plus en plus vieilles de chaque côté de la dorsale. Il y a donc une espèce de tapis roulant au fond des mers qui provoque le déplacement des couches de roches du centre vers les marges des océans. Et de là, donc, à ressusciter la vieille idée des boulets, sortir des boulamites, la vieille idée de la dérive des continents, il n'y aura qu'un tout petit pas à franchir, ce qui va être fait vers le début, milieu des années 60. Et avec le recul et le regard contemporain qu'on a de ce chapitre de l'histoire des sciences, quel aura été l'impact ou le legs des idées de Wegener? Aujourd'hui, on appelle ce concept revampé, n'est-ce pas, la tectonique des plaques. C'est vrai. C'est la théorie, si on veut, qui a succédé puis qui a rassemblé plusieurs hypothèses de l'époque et qui inclut d'ailleurs la théorie de la dérive des continents. En fait, ce que ça dit, la tectonique des plaques, c'est que la croûte terrestre est divisée en une douzaine de grosses plaques rigides, des gros morceaux, qui bougent les unes par rapport aux autres. Donc, certaines plaques s'éloignent les unes des autres au niveau des dorsales dont on a parlé, là où il y a du magma qui remonte à des profondeurs de la Terre. Certaines plaques se chevauchent l'une sous l'autre au niveau des ce qu'on appelle les fosses de subduction, les grandes fosses, par exemple, comme on trouve tout le tour du Pacifique, la fosse des Mariannes, par exemple, 10 000 mètres de profondeur, donc des grandes fosses océaniques. Et puis, troisièmement, certaines plaques glissent latéralement l'une contre l'autre. Et le meilleur exemple de ça, le plus connu, c'est la faille, le système de faille de San Andreas, en Californie, près de San Francisco. Donc, ces mouvements tectoniques-là sont à l'origine des grands phénomènes géologiques qu'on connaît aujourd'hui. Volcans, tremblements de terre, zones de faille et formation de chaînes de montagnes, essentiellement qui vont se former à la marge des plaques tectoniques. Effectivement. Donc, au fond, Wegener pensait que seuls les continents se déplaçaient, comme des petits radeaux sur les océans. On sait aujourd'hui que c'est pas tout à fait vrai. En fait, les planchers océaniques se déplacent aussi avec les continents à partir des dorsales. Donc, la croûte océanique et la croûte continentale forment un tout au sein d'une plaque tectonique. Mais l'idée que les continents puissent être mobiles et non immobiles était, à l'époque de Wegener, on le rappelle, il y a une centaine d'années, contraire aux observations scientifiques de l'époque. On ne disposait pas encore de la technologie pour vérifier ce que Wegener avançait. Et puis, en plus, il n'était pas de la confrérie des géologues, comme on a dit. Donc, sa théorie devra donc attendre un demi-siècle et malheureusement, la mort de Wegener pourra être acceptée. Ah donc, oui. Alfred Wegener, c'est donc, ce que je pourrais dire en terminant, le non-géologue qui a le plus bouleversé la géologie, malheureusement, après sa mort. Eh bien, merci Frédéric Bouchard pour avoir fait la lumière sur ce grand scientifique qui, finalement, est resté plutôt dans l'ombre. Malheureusement. Oui.